Metal Express avec Eric. Amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, que nous avons des partenariats radio. Il y a Radio Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Radio Heavy Metal donc également sa page Facebook, mais tout ça vous le savez. Et puis il y a également la page Facebook du Metal Express. Donc si vous avez envie de me laisser un petit message, vous n'hésitez pas. Donc ce soir, cette émission du Metal Express, elle va être un peu différente puisque nous allons un peu retracer tout ce que nous avons passé de 2016 à 2017. Donc je vous ai préparé une bonne petite playlist. Vous allez voir que ce soir, ça va déménager. On va commencer d'ailleurs avec le groupe Overkill, ça s'appelle le morceau Red, Right and Blue, suivi de Earth Attack avec Burn My Flesh. Et puis juste derrière, il y aura Spirit Bell avec Desert Ghost. Allez, c'est parti pour 2 heures, c'est Eric avec vous dans le Metal Express. Bonne écoute! Allez, dans l'ordre, on a eu Overkill, le groupe de speed thrash metal américain, donc originaire du New Jersey, avec le morceau White and Blue. Et puis, juste derrière, il y a eu Earth Attack, groupe français. Ils sont de Cannes, extrait de l'album The Resilience, sorti en 2017, avec le morceau Burn My Flesh. Et puis, à l'instant, on a eu Spirit Bell avec Desert Ghost. Desert Ghost, un groupe de heavy metal hongrois. Allez, voici maintenant Sodom, groupe allemand, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Rolling Thunder, suivi de Evil Invaders, groupe belge de style speed thrash metal, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Raining Hell. Bonne écoute dans le Metal Express. Rabbit. lungs that spit acid breath. Distant cries, tears will roar. The beast is howling, screaming for more. Rushing through the darkness, knowing going back. The basilisk behind me got the devil in my neck. Kick the pedal hard up, it lost, he's my need. Ain't no fear of nothing, always built for speed. Voilà, dans l'ordre, on a eu le groupe allemand Sodom avec Rolling Thunder, et puis à l'instant, le groupe belge Evil Evil Invaders, et puis le morceau qu'on a écouté s'appelle Raising Hell. Allez, voici maintenant un groupe... une grosse bêtise, c'est un groupe originaire du Paraguay, il s'appelle Evil Force. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Command of Pain. C'est du très bon thrash metal avec l'album qui est sorti en 2016, Banging in the Pentagram. Et puis juste derrière, on aura un groupe polonais au nom de Sandor War avec le morceau New Age Prophecy. C'est du très bon death metal. C'est extrait de l'album Black Storm qui est sorti en 2016. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Let's go! Voilà, donc le groupe s'appelle Sender War et le morceau qu'on a écouté s'appelle le New Age Prophecy. J'ai avec moi à côté un petit auditeur, un petit jeune qui vient de me rejoindre. Salut! Je m'appelle Alba, j'ai 13 ans. Ça va? Oui. Bon, écoute, tu es venu ici pour pourquoi en fin de compte tu veux passer? Pour présenter un groupe. Oui, approche-toi du micro, sinon on va pas t'entendre. Oui, tu voulais quoi comme groupe? Le groupe Océan, ouais. Et le titre? Le titre, La Haine. Donc tu voulais ce morceau. Ok, bah écoute, Albon, merci d'être passé à l'antenne. Et puis, bah écoute, on va passer ça tout à l'heure si t'as envie. Oui. On va le passer maintenant si tu veux. Tout à l'heure. Ou maintenant, c'est comme tu veux. Maintenant. Eh ben écoute, on va passer pour Alban donc Océan. Et le morceau qu'il a demandé, c'est La Haine. C'est parti. We'll be right back. Voilà, donc, ça a été demandé par Alban. Bah, comme il est encore là, je vais le laisser parler. Allez, vas-y, c'était quoi comme groupe ? C'était le groupe Océan, ouais. Et le titre La Haine. Voilà, bah, merci à toi Alban d'être passé à la radio. Merci à toi de m'avoir invité. Mais de rien. Et puis, j'espère que tu repasseras nous revoir. Mais bien sûr. Bah, merci à toi. Allez, salut Alban. En attendant, on va s'écouter un groupe qui s'appelle Civil War et le morceau s'appelle Road to Victory, suivi de Them, un groupe allemand avec le morceau Forever Burns. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. tears and wait for the new horizon. We are an army without uniforms. Now we're bonded by blood, signed and sealed, a pact that we live forever. The final ordeal has arrived. Baby, it's coming down. Our heaven can't wait, 'cause we have so many more battles to win. We are not ready. Le groupe s'appelle Theme et le morceau Forever Burning, c'est beaucoup, beaucoup ressemblant à du King Diamond. Allez, voici maintenant un groupe de black metal, ils sont finlandais, ça s'appelle le groupe Clandestine Blaze et le morceau Return into the City of Slaughter, et après il y aura juste derrière Nightmare et le morceau Serpentine. Bonne écoute! In the bone. We'll be right back. Voilà, donc le groupe français Nightmare, du très bon power metal, originaire de Grenoble. Le morceau s'appelle Serpentine, il est extrait de l'album Dead Sun, qui est sorti en 2016. Allez, voici maintenant Poltergeist, avec le morceau Chell Beach. Ils sont suisses, ils nous jouent un thrash metal excellent. Et le morceau s'appelle Back to Hunt et c'est sorti en 2016, suivi de Battle Beast avec le morceau Rack Trash. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, donc jusqu'à 21h. Salut, nous sommes Assassins de l'Allemagne et vous écoutez un Metal Express de Radio Heavy Metal 100% Metal. Le groupe Battle Beast, à l'instant, donc sur le, dans le Metal Express, pardon, avec Rock Trash. Ils sont finlandais, c'est du très bon heavy metal. Allez, voici maintenant Storm Death, ça s'appelle le Black Sorrow. Et puis, juste derrière, on aura Testament avec The Number Game. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Of the ancient hunt has begun. Dark Lord ascending, doom dare be none. All the systems failing, night fades away. Mr. Blood's own darkness leading us astray. Evil entity locked away, down in the trench. When it's given the signal, merciless revenge. Rise of the ancient, hunt has begun. Dark Lord ascending, doom dare be none. Voilà, donc c'était le groupe Testament avec le morceau The Number Game, un excellent album au nom de Brotherhood of the Snake. Il est sorti en 2016 et signé sur le label Nuclear Blast. Allez, voici maintenant Sabaton. Le morceau s'appelle Camouflage, suivi de Soul Mission avec Glorification of Elimination. Bonne écoute! My camp and wave goodbye. He rising from the mansions unknown. Crawling, moving, broke out in motion, cut from the forces under the shield. The end of protest to be Allez, dans l'ordre, on a eu Sabaton, groupe de power metal suédois, donc, avec le morceau Camouflage, et puis à l'instant, un groupe de black metal au nom de Soul Mission, Ça s'appelait Glorification of Elimination. Maintenant, on va attaquer avec un groupe de hard rock américain. Il s'appelle le Black Star Riders, qui est composé de trois ex-membres du groupe légendaire Thin Lizzy. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Heavy Fire, c'est leur troisième album, donc qui s'appelle également Heavy Fire. C'est sorti en 2017 et ça a été signé chez Nuclear Blast. Donc maintenant, voici tout de suite Black Star Riders. Radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contacte Radio et Vimetal sur Facebook. Mais oui, rien de plus simple donc de nous contacter sur la page Facebook de Radio et du Metal ou bien du Metal Express. Aussi bien, il y a également la boîte mail que je vous donne, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Donc si vous êtes un groupe de rock, un groupe de hard rock, heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, n'hésitez pas à nous contacter et vous passerez à l'antenne. Allez, voici maintenant les Suisses de Crocus avec Born to be Wild. C'est une reprise donc du groupe canadien Steppenwolf. C'était sorti en 68. Allez, on s'écoute ça. Yeah, darling, gonna make it. Je rappelle que morceau donc Born to be Wild est extrait d'un single qui est sorti en 1968 par le groupe canadien Steppenwolf. Donc là, c'était à l'instant Crocus, les Suisses. Voici maintenant un groupe colombien avec un super thrash metal. Le morceau s'appelle Heavy Metal Overlord et le groupe s'appelle Savage Aggression. On s'attache, vous allez voir que ça déménage. C'est vraiment du excellent thrash metal. Le groupe s'appelle Savage Aggression. Ils sont colombiens, donc. Et ce morceau qu'on a écouté s'appelait Heavy Metal Overlord. Et leur album s'appelle Inferno Nightmare. Il est sorti en 2016. Et c'était extrait de leur deuxième album. Donc, prochain morceau, donc, c'est le groupe Golden Rush avec No Blame, No Gain. C'est sorti en 2016, suivi de Revengers After Death avec le morceau One Dead for Kill. Bonne écoute! So let's go deal in the show. Quickly crawl. Voilà donc, il est l'heure de nous quitter. Malheureusement, 2 heures, ça passe très vite. On se retrouve, nous, donc, la semaine prochaine, donc, lundi prochain. Donc, prenez note, parce que la semaine prochaine, ce sera le spécial Metal 80, donc, lundi 1er octobre. Je vous rappelle, donc, que cette émission sera rediffusée sur Radio Fréquence Zik, mercredi, de 22h à minuit. Et puis, il y aura également Canal Fuzz Radio, c'est-à-dire demain, mardi, de 20h à 22h. Et puis, n'oubliez pas qu'il y aura également sur Fréquence Zik la rediffusion de 21h jusqu'à 23h. Voilà. Le podcast, lui, ce sera sur la page Facebook de Radio Heavy Metal, également sur la page Facebook du Metal Express. Ce sera pour demain matin. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à lundi. Allez, ciao !